Anne-Marie va ouvrir. Dis donc, papa. Papa. C'est un monsieur pour toi. Hein? Oui, il est là, il a pas dit son nom. Ah bon? Il est là, là, ouais, je viens. Derrière la porte. Alors, c'est l'épicerie, monsieur pour papa. Il a pas dit son nom. Non, non, mon chéri, faut lui demander. Ça, par exemple. Qui est-ce? Mon frère. Jérôme? Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire? T'es sûr que c'est lui? Oh, ben, je l'ai bien reconnu. Il a pas changé, tu sais, il a toujours sa mauvaise figure. Oh, oh là là, mon Dieu, pourvu que ça ne soit pas. Quoi? Une mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle? Je sais pas, maman peut-être. Oh non, il ne serait pas venu, on t'aurait télégraphié. Tu crois? Mais oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut voir ce qu'il veut, naturellement. Oh, hein? Ouais. Pendant cette tenue, oui, tu vois ce que c'est que flâner, de faire ta toilette, de pas s'affiner, qu'on te demande de ne pas être habillé une heure pareille. Allez, viens ici. Viens ici. Oh, hein? Elle est remplie de taches de peinture. Non, mais non, c'est pas... Oh, Anne-Marie va me chercher celle de Jean-Pierre. Allez, enlève ça, voyons plus bas. Et tu n'es pas rasé, hein? Non, je ne raserai pas. Oh. Sans blague, qu'est-ce qu'il vient faire? Ça c'est ça, le fameux Jérôme? Eh ben, il a une sale tête. Arrange tes cheveux, tu es hirsute. Et surtout, hein, s'il vient de parler d'affaires, il fera un truc. Tu seras pas là? Mais non, je ne serai pas là. Tu ne voudrais même pas, parce qu'il s'est passé il y a 20 ans, que je lui fasse les honneurs de la maison. Oui. C'est ton frère, oui. Reçois-le. Oui. Mais ne te comprenez pas, n'est-ce pas? Mais j'aimerais même que tu restes, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allez, disparaissez. On va le chercher. Hein? Reste là. Ah, c'est moi. Anne-Marie. Oui, maman. Arrange tes cheveux, ma chérie. Bon. Et ton élu, là, c'est un vrai bonheur. Allez, va maintenant. Je vais te chercher? Oui. Comment faut-il l'appeler? L'appelle pas. Et toi, fais bien attention à ce que tu vas dire. N'accepte rien. Ne t'engage à rien. Écoute. C'est pas mal. Pareil, un bouquet de fleurs à la main. Bonjour, Marcel. C'est Anne-Marie? Ah, félicitations. Elle est ravissante, ta fille. Non. Alors, comment ça va depuis tout ce temps? Ah, tu n'as pas changé, toi. À la bonne heure. On voit que tu ne t'en fais pas. Ah ouais, tu as bien raison, hein. Je peux m'asseoir? Et Suzy, comment va-t-elle? Je ne veux pas la déranger, mais je crois me souvenir qu'elle aimait les roses autrefois. Je me suis permis de lui en apporter. Oui, c'est très aimable, mais... Quoi, il ne fallait pas? C'était inutile. Mais si, ça me fait plaisir. Et le nommé Jean-Pierre, comment va-t-il? Bien. Ah! Il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez un décorateur de cinéma. Oh, tiens. Mais c'est pas bête, ça. Les décors de cinéma, ça vaut peut-être mieux que la cellulose par le temps qui court. Hein? Ah. Ça me fait plaisir de te voir, tu sais. Bien aimable. Oui, ah, évidemment, évidemment. On s'est un peu chamaillé autrefois, j'ai peut-être été un peu brutal, mais c'était par intérêt pour toi. Tu le sais. Oui, oh, tu as le droit de m'en vouloir. Si, tu as le droit. Tu aurais même pu ne pas me recevoir. Enfin, entre nous, tu aurais eu tort. Bon, enfin, tu l'aurais pu. Que veux-tu? Tu me connais, moi, je suis tout d'une pièce. Quand je pense une chose, je la dis. Ça ne m'empêche pas de reconnaître quand j'ai eu tort. Eh bien, je reconnais qu'il y a 20 ans, j'ai eu tort. Seulement, mets-toi à ma place. Je ne savais rien de Suzanne, j'ignorais sa tenue, ses qualités. Enfin, tout ce qui la rend digne de ton affection. Alors moi, n'est-ce pas, j'ai... Oui, enfin, tout ça, c'est le passé. Et ce n'est pas pour te parler du passé que je suis venu. Oh! Oh, j'oublie. Maman m'a chargé de toutes ces tendresses pour toi. ainsi que pour ta femme et pour tes enfants. Ah, elle va bien. Maman, ouais. Solide comme un roc. Ah, ouais. Elle n'a pas appris un jour. Charlotte aussi, va bien. Oh. Maxime, Loulou, tout le monde. Et elle attend un bébé, Loulou. Qui? Loulou. Oh. La femme de Maxime. Oui, oui, oui, oui. Du côté santé, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Il n'y a que cette pauvre Lucie. Ah. Ah, toujours la même chose. Ça n'augmente pas, mais ça ne diminue pas non plus. Enfin, nous l'entourons, nous tâchons de la distraire. Elle a une bonne garde avec laquelle elle s'entend très bien. Seulement, il y a des périodes où on ne peut rien lui faire avaler. Une idée. Alors, on est obligé de la nourrir à la sonde. À la sonde. À la sonde. Ah, ça n'est pas drôle. Enfin, que veux-tu, c'est le seul moyen. Quant à Armand, lui, il est toujours le même. Il m'a chargé de te faire ses habitiers. Merci. Il s'occupe toujours de la clinique à mes gens et de son laboratoire. Oh, il prend la vie du bon côté, celui-là, sapristi, enfin, quand il est là au moins. On ne s'ennuie pas, c'est le bout en train de la famille. Bon, mais au fait, toi, ta peinture, ça va? Tu es content? Oui, ça va. Oui? On peut jeter un coup d'œil? Oui. C'est pas très intéressant, ce pot. Hein? Pas intéressant. Eh, tu es modeste. Moi, je trouve ça bien. Ah ouais? Je trouve même ça très bien. Eh ben, mais dis donc, je te félicite. Non. Ah, si. Fais-en progrès, tu sais. Non, non. Oh, c'est une étude. Je vois. J'ai fait ça d'après la petite, quoi. Comment ça? C'est Anne-Marie? Ben ouais. Oh. Oh, mais bien sûr, voyons. C'est très ressemblant. Combien vends-tu une toile comme ça? Combien? En moyenne. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Évidemment. Bon, mais je parle, hein. Je te fais peut-être perdre ton temps. Tu étais en train de travailler? Non, j'avais fini. Je travaille de bonne heure le matin. À la fraîche. Oh, tu as raison. C'est le meilleur moment. Bon, maintenant parlons un peu de ce qui m'amène, veux-tu? Tu as dû être étonné de me voir arriver comme ça à l'improviste, non? Oui. Ah, il y a déjà longtemps que je voulais, bien seulement j'ai tellement d'affaires là-bas. Alors j'ai profité parce que j'avais des gens à voir à Paris pour pousser jusqu'ici. J'avais 2 heures devant moi, je me suis dit, tiens, mais si je faisais un saut jusque chez Marcel, après tout, il serait peut-être pas fâché de savoir un peu ce qui se passe à la société. Car il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. De bonnes choses, je commence par te le dire. Nous avons eu des moments difficiles, comme tu as pu t'en rendre compte. Mais maintenant, ça va mieux. Ça va sensiblement mieux. Nous avons doublé le cap. Ah bon? Alors vous allez reprendre les paiements? Attends. Nous n'en sommes pas encore là. Ah, enfin, nous y arrivons. La situation intérieure est saine, notre crédit est excellent. J'ai une grosse commande en cours pour la guerre. Bref, je peux dire que les mauvais jours sont passés. Oui, mais quand comptez-vous donner quelque chose aux actions? Dans le courant du prochain exercice, mon vieux. Pas avant? Ben laisse-nous le temps de repartir. Maintenant, si tu trouves que c'est trop long et si tu veux te défaire de tes actions, tu sais, moi, je suis toujours preneur. Mais j'ai pas dit ça. Mais tu fais bien de ne pas le dire. Entre nous, ce n'est pas le moment de vendre. Hein? Non, ce serait plutôt celui d'acheter. En deux mots, et seulement ce que je vais te dire est rigoureusement confidentiel. Je te demande ta parole de garder ça pour toi. Je viens de faire un accord avec le groupe de Lyon. Grenier! Tu sais? Ah! Il n'a pas été commode de s'entendre. Car ils sont durs, les cochons. Mais enfin, on y est arrivé tout de même. À partir d'octobre, nous marchons ensemble, eux et nous. C'est énorme, tu le devines comme conséquence. Ils étaient nos principaux concurrents. Avec eux, nous tenons le marché. En outre, cette entente va nous donner des facilités de trésorerie que nous n'avions pas. Et... Mais enfin. Bref, nous repartons du pied droit. Voilà. J'ai tenu à te prévenir, d'abord parce que en ta qualité d'associé, tu as le droit de savoir. Et puis aussi, parce qu'il est possible que tu reçoives un de ces jours de Grenier une offre d'achat pour tes actions. Mais c'est non seulement possible, mais c'est probable. Ah. Tu es libre naturellement de faire ce que tu voudras, mais j'ai voulu te prévenir parce qu'ils sont bien gentils, les Lyonnais, mais je trouve qu'il n'y a aucune raison pour leur laisser faire une bonne affaire sur ton dos. Hmm? Après tout, tu es mon frère, l'affaire a été fondée par notre grand-père et... S'il y a de l'argent à gagner, il est bien naturel Que ce soit toi qui en profites et Paul, c'est pas ton avis. Oui. Hmm? Alors, quel que soit le prix qu'il t'offre de tes actions, et surtout, si c'est un gros prix, dis-toi bien que si elle ne valait pas beaucoup plus, il serait pas venu te trouver. Et si tu veux un conseil, eh bien, garde-le. Oui. Hmm. Je ne t'en dis pas plus, hein? Mais garde-le. D'autant plus que nous allons être amenés à modifier la composition du conseil et à augmenter le nombre d'administrateurs. Et si ça te va, je tâcherai de te réserver un fauteuil. Oh, ben je te remercie. Non, pas à m'en remercier, voyons. C'est tout naturel. Ça me fera plaisir de recommencer à travailler avec toi. Ah. Je te montrerai un peu ce que nous avons fait à mes gens. Tu sais, on a travaillé depuis que tu n'es pas venu. Voilà. Ah, tu ne reconnaîtras pas les machines. Je suis allé acheter ça en Amérique. Ah. Hein? Il faudrait que tu viennes passer quelque temps là-bas. Je te montrerai tout ça sur place médiatique, comme ça tu serais au courant. Le jour où tu entreras au conseil. Hein? Oui, oui. Quand faudrait-il venir? Bien, quand tu voudras. Non, c'est parce que j'ai pas beaucoup le temps de m'absenter. Vous restez ici cet été? Oui. Non, nous ne savons pas. Pourquoi ne viendriez-vous pas tous les quatre vous installer quelque temps à Tuilière, hein? Non. Ah, ben c'est ça qui serait gentil. Et qui ferait plaisir à maman, à Charlotte, à Maxime, à moi et à tout le monde, hein? Non. Mais pourquoi? Tu emporterais tes pinceaux? Il y a toujours l'ancienne buanderie, tu sais, où tu travaillais quelquefois. Oui. Tu la feras nettoyer, on passera les murs à la chaude, puis il sera comme chez toi. Hmm? Oui, je crains que ça ne soit pas possible. Et puis, tu sais, la chasse ouvre le 28. Oh. Et il y a encore quelques perdreaux à l'angluse. Hmm? Tu aimes toujours ça? Oh, il y a si longtemps que je n'ai pas chassé. Eh bien, c'est une occasion de t'y remettre. Quant à la championne de natation, elle aura la rivière pour continuer son entraînement. Maxime a même fait installer un plongeoir. Alors, qu'est-ce que tu dis de ma proposition, hein? Je crains que ça ne soit pas possible. Ah, écoute. Veux-tu y réfléchir et en parler à Suzanne? Ah, oh, ben, je pense bien. Dis-lui. Dis-lui que vous nous feriez à tous le plus grand plaisir. Je ne la connais pas, ou bien peu, mais je sais que c'est une femme raisonnable et une femme de cœur. Il a pu m'en vouloir et je suis prêt à reconnaître mes torts envers elle. Mais enfin quoi, c'est pas une raison pour que nous restions fâchés toute la vie. Je ne sais pas quel est ton avis, mais j'estime moi que ce qui fait la force et la beauté d'une famille, c'est d'être unis. Tu n'as pas toujours dit ça. Mais enfin, c'est entendu. Et je te répète que je reconnais mes torts et aujourd'hui je viens vous tendre la main. Et je vous dis à tous les deux, oublions le passé. Tiens, comme dans la chanson, redevenons des frères. Des sœurs, des amis. Voilà. Dis-lui ça. Et puis, dis-lui aussi que maman se fait vieille. Une des dernières joies de sa vie serait d'avoir ses enfants réunis autour d'elle et que ce ne serait peut-être pas très bien de notre part de l'en priver. Hein? Voilà. Au revoir, Marcel. Il embrasse son frère affectueusement. Les roses au moment où son mari entre. Eh bien, il venait nous offrir une réconciliation. Ah, oh, ben ça je sais, j'ai entendu. J'étais derrière la porte. Je n'ai rien dit de trop, hein. Ah, non. Tu as vu, hein. Et qu'est-ce que tu en penses? Et toi? Moi? Oui. Oh, ben, après ce qui s'est passé, moi ouais, je suis d'avis de... Tu es d'avis de refuser, toi, oui. Pas toi? Il est parti? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il voulait nous proposer une réconciliation. Pas possible. Ben oui. Il voulait même que nous venions à Tuilière. Qui ça, nous? Tous les quatre. Eh bien, il n'a pas peur. Mais qu'est-ce que t'as dit? Tu l'as envoyé promener? Ah, oh, ben tu penses. Alors, il a insisté beaucoup pour que je soumette la... Nous parlons tout tout cela après le déjeuner. Ah, Marie, peux-tu finir de mettre le couvert, hein? Non. Vous n'allez pas accepter, tout de même. Ben, je pense pas. Dis donc, papa. Oui. C'est joli, cuillère. Si, c'est joli. Ah, oui. Oh, mon chéri. C'est grand? Les terres, 18 hectares. Puis les terres autour. 18 hectares? Oui, oui, eh oui. Ben. Oui. Oh. Donne l'album. Donne l'album. Oui. Tiens, ben voilà. Tiens. Viens voir, Jean-Pierre. Oui. Ça, c'est rien. Tiens. C'est profond, la rivière? Bah, par endroit. Tiens, ce qui paraît qu'il y a un plongeoir maintenant. Non. Oui, oui, oui, oui. C'est la maison, ça? Oh. C'est l'entrée. Et ça, c'est la cour des communs, dis donc. Tu te rends compte, hein? T'es là qui est-ce? Comment tu es? Eh ben, c'est grand-mère, tu le sais bien. Et là, à côté? Eh ben, c'est Charlotte, Jérôme et Maxime, leur fils, votre cousin. Quoi. Ah, ben, il en a une touche. Oui, ça, je dois dire. Ça, là, ça, c'est la pauvre Lucie, tu sais, celle qui... Ah, Lucie, c'est celle qui est dans la Gaule. Ah oui, puis bien. Y a pas à dire, il a une sale tête, Jérôme. Oui, ah, ça, y a si pas à dire. Si tu voulais bien ne pas parler comme ça de ton oncle... Vladimir Nouveau, qu'est-ce que vous en dites? Ta mère a raison, tu ne respectes rien. Ah bon, ben, je savais pas, moi, faut prévenir, tu comprends? Alors, tu sais qui c'est, ce joli bébé? Non. C'est moi. Ah non. Non, c'est de l'amour. Ah, un vrai Jésus. Et l'avorton, là, côté, qui est-ce? Ben, c'est Jérôme, voyons. L'année de sa première communion. Oh, le joli petit garçon. Hein? Qui ça? Eh ben, l'oncle Jérôme! Oh, idiot, va! Anne-Marie, oui. Finis de mettre le couvert. Allez, oui. J'apporte l'omelette. Oui. Mais dis-là, c'est que je suis pas rasé, moi. Bon. Dis-là, qu'est-ce qu'il y a à manger? Une omelette. Bon. Et le gigot réchauffé d'hier, oui. Et des haricots. Ah, ah, j'ai tout ce que j'aime. Et j'ai une grosse. D'entendre par transmission différée diffusée de la Comédie Française à Paris les deux premiers actes des Temps difficiles d'Édouard Bourdet. Voici à présent le troisième acte de cette pièce. Nous sommes à nouveau sur la terrasse du premier acte chez Jérôme. Contre grand-mère ou contre toi que je joue? Oui, ben contre nous deux. Oui. Ah, attends, attends, et nous l'avons pas fini. Il y a encore quelque chose? Ben, on va regarder grand-mère, mais tout ça, il va ça, puis tiens, ça, ça, puis encore ça, là, là. Et ben avec un peu de chance, vous allez être décrapété, grand-mère. Et ben ça y est. Allez, compte ta crapette, toi. Non. Comment non? Non, vous vous mettez à deux, ça compte pas. Veux-tu compter ta crapette tout de suite? Non, non. Oh, attendez, grand-mère, je vais compter pour... Ah non, laisse ça. Non, laisse ça, tu laisses ça, quoi. Laisse ça. Parce que tu es mauvais joueur, tout de même. T'as pas le droit de jouer pour grand-mère. Oh, voyons. Ne payez pas, c'est fort, voyons. Vous fatiguez, loulou. Allez, veux-tu que nous recommencions tout? Oh non, j'en ai assez, elle me porte sur les nerfs. Oh, bon, ben, je prends ta place, tiens. C'est ça. Et Jean-Pierre va me conseiller. Vous ne vous baignez donc pas aujourd'hui? Si, mais on clairement a demandé qu'on l'attende. Comment, il revient d'où? Pareil. Quand vous l'as-tu dit? Ben, ce matin, en partant. Vous l'avez vu? Oui, j'étais à ma fenêtre. Il m'a dit qu'il serait là vers 4 heures, mais qu'il fallait surtout pas se baigner sans lui. J'y vais. Quoi? Oh, rien. Dis donc, j'ai bien envie de me baigner, moi. Oh, aussi. Oui, Alexa, hein? Tout le monde se baigne, hein? Tu es complètement fou. Et tes rhumatismes? Bah, pour une fois... Oh, une fois suffit pour te redonner une crise, c'est parfaitement inutile. Enfin, vous ne trouvez pas, Charlotte? Ça ne me paraît pas très raisonnable. Ah, alors tu vois, Charlotte est de mon avis. Bah, j'ai bien baigné l'année dernière au trépas. Oui, bien sûr, dans l'eau de mer, c'est pas pareil. Pourquoi? Ah, assez, Alma. Allez, tiens, tu viens pas faire une promenade à pied avec moi. Eh bien, ça, c'est de ma part. Bon. Connaissez-vous le petit cimetière de Ménac? Non. Vous devriez y aller. Ah oui? On a une vue ravissante sur la vallée. Pense bien. C'est une idée, je prendrai mon album, je ferai des croquis. Non, si tu emportes ton album, nous en avons jusqu'à 8 heures. Emportez plutôt votre Kodak, ce sera plus vite fait. Ah oui, ça? C'est pas tout à fait la même chose. Enfin... Le chauffeur demande s'il peut partir. Oh, mais il devrait déjà être parti. Qu'il se dépêche, il n'a que le temps. Où va-t-il? À la gare, chercher Jérôme. Mais pourquoi à la gare? Jérôme revient de Lyon, ma mère. C'est vrai. Pauvre Jérôme, il a dû avoir bien chaud dans le train. Avec de la chaleur, ça ne sera encore rien. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit très satisfait de son voyage, si j'en juge par sa voix au bout du fil. Ah, il vous a téléphoné? Oui, ce matin, avant de prendre le train. Il n'avait pas l'air précisément de bonne humeur. Tiens. Quelle idée aussi de faire des affaires avec les Lyonnais. Mon pauvre mari me le disait toujours. Les Lyonnais? Oui, ma mère s'est entendue. Mais nous n'avions pas le choix. Soyez sûr que si Jérôme l'a fait, c'était pas pour son plaisir. Oh! Tante Charlotte. Quoi? On pourrait pas dire au chauffeur de passer en ville chercher le ballon de Guatopolo? Oh non, ça le retarderait trop. D'ailleurs, il doit déjà être parti. Vous vous permettez, j'aille voir? Oh, Anne-Marie, puisque ta tante te dit que c'est impossible, voyons. La camionnette passera le prendre demain en allant en provision. Bah oui, mais comme ça, on l'aurait eu tout de suite. Anne-Marie. Eh, qui l'as-tu donné? C'est Bob Laroche qui s'en est chargé. Ah, le causeur. Oh, eh ben non, dites pas de mal, il est très gentil. Oh, sûrement, hein. Oui. Pour pas avoir de train à prendre, il y a quelque chose à vous dire, mais à part ça, il est très gentil. J'ai l'impression qu'il te trouve très jolie, Anne-Marie. Ah oui? Il ne cesse pas de la photographier. Ça prouve qu'il n'a pas mauvais goût. Eh ben, tu me garderas un petit. Oh, idiot, va. Est-ce qu'il doit venir cet après-midi? Oh, sûrement, c'est même étonnant qu'il ne soit pas déjà là. Votre crapette, grand-mère. Eh bien. Eh bien, sur son talent. Eh bien, trop tard. Quoi? La carte est déposée. Tu vas voir si la carte est déposée, tiens. Tranquille. Allez, enlève tes mains. Je vais te enlever tes mains. C'est quoi, Jean-Pierre? Jean-Pierre, voyons. Laissez-les s'amuser un peu, ma chère Sophie. Ils peuvent s'amuser sans faire tout ce bruit. Donnez-moi Frémousset. Va t'asseoir ailleurs. Si tu veux, maintenant, lui, pas. Oh, mais il m'adore, Frémousset. N'est-ce pas que tu m'adores, Frémousset? Quelle charmante femme que Madame Laroche. Oui, et un peu fatigante parfois. Mais elle est née quoi? C'est une Laroche Montaigu. Elle avait épousé son cousin Germain. Oui, un sinistre raseur. Oh oui! Un sinistre raseur, mais la plus grosse fortune du pays. Ils sont très riches. Les Laroche? Oh, je pense bien. Mais d'où vient leur fortune? Phosphate et compagnie de navigation. Vous n'avez pas vu leur bateau dans le port? Marcel ne vous les a pas montrés? Non, j'y ai pas pensé. Ils ont tout un doc à eux. Sapristi. Et qui dirige la maison maintenant? Nominalement, c'est elle. Mais avec la vie qu'elle mène, elle n'a pas le temps de s'en occuper. En fait, c'est Pierre Selin, un ancien employé de son mari qui est vaguement leur parent. Elle a une vie très agitée. Plutôt. Elle reçoit beaucoup. Oh, ce n'est pas seulement ça. C'est de sa vie sentimentale que je voulais parler. Elle est fort remplie. Ce monsieur Brincourt qui était là l'autre soir, alors c'est... C'est l'actuel favori. Qu'est-ce qu'il fait? Mais rien, ça. Oh. Mais qu'est-ce qu'on pense de tout ça dans la région? Oh, ma chère, quand on a la fortune des Laroches, on peut tout se permettre. Hey, vous avez bien dit, grand-mère. Ça ne m'étonne pas, ma chérie. Nous prenons la revanche ce soir, s'il vous plaît. Entendu. Marcel. Oui? Quand veux-tu que nous allions faire cette promenade? Et quand tu voudras, ma chérie. Tout de suite, si tu veux. Eh bien, alors, je vais mettre mon chapeau. Alors... Ça ne tente personne? Dis, Jean-Pierre. Oh non, mais tu fais les promenades à pied, maman. Et toi, Anne-Marie? Ah non, merci, papa, ça me mettrait en retard pour le bain. J'avais peur que tu me dises oui. Pourquoi, grand-mère? Parce que je ne t'aurais pas vu pendant 2 heures, tiens. Oh, mais c'est trop gentil ce que vous venez de dire, là. Écoute, aide-moi à me lever. Viens me voir dans ma chambre tout à l'heure, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Ne le dis pas. Non. Tu n'oublieras pas. Non, non, non. Après le bain. Entendu, grand-mère. Qu'est-ce que vous complotez, là? Mais hein? Nous avons des stress, ça ne te regarde pas. Ah. Ah. Quel amour. Oh oui, elle est gentille. Ah, quand je pense qu'on m'a privée d'elle pendant 18 ans, jamais je ne m'en consolerai. Mais nous rattraperons ça, maman. Il ne reste plus beaucoup de temps pour rattraper ça. Tu vas pas l'emmener tout de suite à Paris, en tout cas. Tout de suite, non, mais il va falloir penser à rentrer. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous presse? Ils vont pas rester éternellement ici, voyons. Tu sais ce que tu ferais si tu étais gentil? Non. Tu me la laisserais en partant. Oui. Ça me paraît difficile, ça, tu sais. Toi, tu as ta femme, tu as Jean-Pierre, mais moi... Oui. T'es tellement changé depuis qu'elle est là. Écoute, parle-en à Suzy. Parle-lui, toi. Ah non, non, vaut mieux que ce soit toi. Écoute, oui. Es-tu capable de garder un secret? Ah oui. Je vais lui donner mon petit collier de perles. Oui. Tu sais, mon collier de jeune fille. Oh, bah t'es trop gentille, maman. J'aurais bien aimé lui donner l'autre, celui qui venait de ton père. Mais je l'ai promis à Charlotte. Mmh. J'avais vaguement dit que je laisserais le petit à Loulou. Bon, tant pis. Oui, mais si Loulou y compte, ça va faire des histoires, ça, monsieur. À ce moment-là, les histoires ne me gêneront pas. Seulement, il ne faut pas que Charlotte le sache, elle me ferait une vie impossible. Oui. J'ai bien le droit, une fois par hasard, de me faire ce qui me plaît. Eh ben, voyons. Hein? Oui, je viens. Elle aussi est charmante. Oui. Vous êtes heureux? Oh, très. Tant mieux, mon petit. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Qui? Suzy. Oh, elle n'a pas beaucoup de raisons de m'aimer, la pauvre petite. Oui, on peut. Elle n'a pas été très, très courageuse. Oui, ben, ne parlons plus de ça, voyons. C'est tout de même triste quand j'y pense. Mais puisque tout est arrangé. Tout est arrangé, oui, mais j'ai 73 ans. Quel temps perdu! Oui, je viens. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dis donc, et merci pour la petite. Bonne promenade. Merci. Oui. Allez, viens, toi, je te fais un ping-pong. Oh non, il fait trop chaud. Alors justement, le bain est meilleur avant qu'on est chaud. Quand on fait chaud, allez, viens. Vous voulez prendre Fribousset quand même? Où vas-tu? Nous allons faire une partie de ping-pong. Bon, je vais vous regarder. Qu'est-ce que tu as à grogner, toi? Tu veux te promener? Non, tout m'ennuie. Enfin, un peu de tranquillité. Chut, fais attention, on peut t'entendre. Je ne peux plus les supporter. Allez, bon, voyons, ne t'énerve pas. Mais enfin, est-ce qu'ils ne s'en iront plus jamais? En tout cas, ils ne parlent pas de leur départ. S'ils ne sont pas partis le 1er septembre, moi, je vous préviens, je vais m'installer chez maman. Tu ne vas pas faire la prudence d'un déplacement dans l'état où tu es. Alors qu'ils s'en aillent. Je ne peux pourtant pas les mettre à la porte. Ça vous fait plaisir de les avoir ici? Ah non. N'étions pas plus tranquilles avant qu'ils arrivent? Si, mais qu'est-ce que je peux y faire? Ton beau-père tenait à les recevoir. Je me demande pourquoi. Eh, il faut croire qu'il avait ses raisons. Non, cette femme est pas si fort. Loulou, monsieur, quelle femme énervée. Elle a toujours l'air de dire, moi qui suis si jolie, moi qui ai tant de charme. Vous la trouvez si jolie, vous, non? Elle a de la jeunesse, de l'éclat. Oh, de l'éclat. C'est pas difficile avec tout ce qu'elle se met sur la figure. Tu crois qu'elle se met du rouge? Elle? Oh là là. Oh, puis elle a une taille affreuse. Oui, la taille, ce n'est pas ce qu'elle a de mieux. Quand on a une taille comme celle-là, on ferait bien mieux de ne pas s'exhiber toute la journée en costume de bain. Quant à ses jambes, il vaut mieux ne pas en parler. Sa mère prétend que c'est le sport. Oh, il a bon dos, le sport. Enfin, ce n'est pas la vie de tout le monde. À ce qu'il paraît, grand-mère, elle la trouve idéale. Elle passe ses journées entières à la regarder. Elle en oublie jusqu'à son chien. C'est tout dire. Vous avez remarqué quand elle l'a emmenée à l'ECA pour lui parler? Je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas ce qu'elle avait à lui dire, mais... En tout cas, elle ne tenait pas à ce que nous l'entendions. Tu crois? Ensuite, elle a parlé à l'oncle Marcel et au moment de partir, j'ai très bien entendu qu'il la remerciait. Il la remerciait? Oui. Tu es sûre de ça? Absolument sûre. J'ai entendu merci pour la petite. Tiens. Qu'est-ce que vous croyez? Oh, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu fais bien de me prévenir. N'est-ce pas? C'est la voiture d'oncle Armand. Ah oui, c'est Armand. Tiens, Maxime est là aussi. À cette heure-ci? Citoyenne, je vous salue. Comment va la pauvre paralytique? Très bien, merci. Nous voilà déjà mon grand. Oui, il n'y avait pas grand-chose à faire au bureau, alors j'en ai profité pour venir me baigner. Tante Charlotte, regardez le beau costume de bain qu'oncle Armand s'est payé. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez mettre ça? Ah ben pourquoi pas? Ah oui, j'ai rapporté le ballon de water polo, il est dans la voiture. C'est vrai? Oui. Ah ben ça, c'est gentil qu'il y a ma pensée. Faut que je vous embrasse. Hein? Ah oui, faut que je t'embrasse. Vraiment, vous vous tutoyez, notre... Ah oui, ça, tout le monde se tutoie. Oui, nous avons décidé ça hier soir, après votre départ. Ah, après ton départ. Oh, avec Loulou, j'oserai jamais. Ah, ça, il le faut, sinon tu seras l'amende. Je trouve ça très gentil, moi, n'est-ce pas, Charlotte? Très. Mais où sont donc l'illustre maître et sa courageuse compagne? Ah, l'illustre maître et sa courageuse compagne sont allés faire une promenade à pied. Oh, quelle folie! Mais alors, qu'est-ce qui a arbitré la partie de waterpolo? Moi, si vous voulez. Bravo! Mais non, mais vous ne savez même pas ce que c'est. Mais aucune importance, qu'il faut, c'est quelqu'un qui donne des coups de sifflet. Mais oui, je vous expliquerai le jeu, mon père. C'est ça. Alors, on y va? On y va. Mais où est ton costume, toi? Il est resté dans le hangar, près de la rivière. Dites, attendez-moi, une minute, je monte passer mon maillot, je reviens. Ah oui, parce que mademoiselle ne peut pas se déshabiller dans le hangar comme tout le monde. Non, monsieur, je ne serai pas convenable. Faut-il qu'elle ait une mulette de poitrine? Mais c'est ce qui vous trompe. Ah, répète un peu. C'est ce qui te trompe. Je vais chercher le ballon, je vous rejoins à la rivière. Bon. Papa revient tout à l'heure? Oui, la voiture est partie le chercher. Il m'a téléphoné ce matin de Lyon avant son train. J'ai l'impression que ça n'a pas marché là-bas. Ça n'a pas marché? Il n'a rien voulu me dire dans le téléphone, mais je connais sa voix quand il est préoccupé. J'ai peur qu'il n'ait pas abouti. C'est pourtant urgent d'aboutir, ça ne va pas fort à mes gens. Ah? Non, pas fort du tout. Et toi, mon grand, comment te sens-tu? Très bien, très bien. Tu as fixé ton départ? Quel départ? Mais je croyais clairement t'envoyer passer quelques jours à Royan pour te remonter. Ah oui? Oui, ben, je vais te dire non, c'est, je me sens moins fatigué. Ah, oui. Je serais très content que je... Alors, on a bien dormi, bien déjeuné. Mais oui, mais oui. Et ce cœur, comment se comporte-t-il? Il tient le coup? Connaissez-moi. Le pouls est bon. Il n'y a que l'humeur à ce que je vois qui laisse un peu à désirer. Ne vous occupez donc pas de moi, je vous en prie. Oh, sale caractère. On vous voit bien souvent ici depuis quelque temps. Ça t'ennuie? C'est pour prendre de mes nouvelles que vous êtes revenu ce soir. Oui, tu l'as dit, tu l'as dit. Ah, voilà, Amphitrite. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de présenter? Quelle façon? Veux-tu enlever ce peignoir? C'est indécent. Comment indécent? Parfaitement, un peignoir à tournage, c'est indécent. Eh ben, je l'enlèverai à la rivière. Ah non, laissez-moi! Bon, je sais ce que je voulais savoir. Pardon? Mais j'avais raison tout à l'heure. Vous voyez, tu n'aurais pas mis ce peignoir sans ça. Tenez, non! Voilà. Et vous, Charlotte, vous ne voulez pas? Non, je reste avec Loulou. Oh, moi, je peux rester seule, mais j'ai l'habitude. Armand oublie un peu trop qu'Anne-Marie est une jeune fille. Oh. Oh, elle fait bien tout ce qu'il faut pour qu'il l'oublie. Elle a une façon d'aguicher les hommes. On voit qu'elle a de quitté. Hein. Oh. Cette façon d'écarter son peignoir là avant de sortir, ça te donne le goût. Vous ne trouvez pas? Si, je suis de ton avis. D'autant plus qu'avec un maillot comme le sien, ça ne prouve absolument rien. Ça m'étonne que ce soit déjà zéro. Ah non, c'est la voiture des Laroches. Allons bon. Tu ne veux pas les voir? Ah mais non, ah mais non. Alors, fais le tour de la maison pour qu'ils ne te rendent pas. Non, tiens, prends mon bras. Mais non, mais si, c'est pas si, là. Si, si, je ne veux pas que tu montes l'escalier toute seule. Je t'avais dit qu'il fallait venir plus tôt. Oh, ne t'énerve pas, je t'en prie. Il est à peine 4h30, nous avons tout le temps. Il se baigne à 4h. Bon, et ben tu les verras après le bain, voilà tout. Je voulais être là pour le bain. Je sais, je sais. Tu voulais prendre Anne-Marie en train de plonger. Oui. C'est pour ça que tu as été acheter cet appareil coûteux et compliqué dont tu ne sauras certainement pas te servir. Je sais m'en servir. Oh, tu ne sais déjà pas te servir d'un appareil photographique? Ça m'étonnerait que tu saches te servir d'un cinéma. Enfin, si ça t'amuse. Madame Garouchy. Merci. Je les entends. Ils sont à la rivière. Oh, et ben tu n'as qu'à aller les rejoindre. Je peux. Naturellement. Oui, mais tu n'as pas oublié. Oublié quoi? Ce que nous avons dit. Ah non, je n'ai pas oublié. Non, tu le feras, hein? Mais oui. Enfin, je vais voir, hein. Je vais tenter le terrain. Non, tu diras que j'ai... Tu diras mais que on va je dirai ce qu'il faudra, je t'en prie, fais-moi confiance. Ah, et surtout, ne t'excite pas comme ça. Sinon, tu vas encore avoir une crise cette nuit comme l'autre jour et ça n'avancera rien. Mais si... Bon! Doucement! Doucement! parler avec Loulou. Comment va-t-elle? Bien. Tant mieux. Tout le monde est à la rivière. Oui, je sais, nous les avons entendus et Bob n'a pas pu y tenir. Il est allé les rejoindre. Il a un nouvel appareil de cinéma avec lequel il a l'intention de filmer le bain. Quelle bonne idée. Oui, enfin, il va essayer en tout cas. Je ne garantis pas qu'il réussira. Je suis bien contente de vous trouver seule, Charlotte. C'est un peu dans cet espoir que je suis venue, je vous dirais. Vraiment? Oui, j'ai un conseil à vous demander. Conseil? Oui, oui. Un conseil d'une espèce assez délicate. Mais avec vous, je ne me gêne pas, hein. Je parle à cœur ouvert. Mais voyons. Ma chère, Bob est amoureux fou d'Anne-Marie. Non. Ah, au point que c'en est inquiétant pour sa santé. Impossible. Il ne mange plus, il ne dort plus, il est dans un état de nervosité épouvantable. Il se promène dans le parc en parlant tout seul, en faisant des gestes désordonnés. Oui, enfin, si ça continue, il va tomber malade. Vraiment? Il m'a déjà piqué l'autre soir une espèce de crise de nerfs avec 40 de fièvre. Ça m'a fait très peur. Pauvre Bob. Un cours qui a fait autrefois sa médecine m'a dit qu'il fallait faire attention. Ah, pauvre Bob, oui. Enfin, hier soir, il est rentré d'ici très surexcité. La figure assez rouge, les yeux hors de la tête. Alors, après le dîner, sur le conseil de Brincourt, je l'ai pris à part, je l'ai confessé et il m'a tout raconté. Il m'a dit qu'il l'aimait, qu'il n'aimerait jamais qu'elle, que si on ne la lui donnait pas, il se tuerait. Non. Ah, ben il est capable d'essayer, vous savez. Heureusement, il est si maladroit. Avec un tempérament comme le sien, il faut tout craindre. Sous certains rapports, c'est un enfant, mais sous l'autre, c'est un homme. Ah? Un homme qui s'ignorait jusqu'à présent. La rencontre de cette petite paraît avoir allumé en lui un brasier. Qui me demandait qu'à flamber. J'ai peur qu'il tienne de moi à cet égard. Ah, le pauvre, je le tiens. Bien que pour un homme, ce soit malgré tout moins gênant. Enfin, bref. Je me suis décidée, après en avoir parlé avec Brincourt, à venir vous demander un conseil. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mon Dieu. À quoi faut-il l'éloigner? Le faire voyager? Ou au contraire, tenter une démarche? Mais quoi, il voudrait... L'épouser? Mais naturellement. Sapristi. Oui, oui, oh, je me rends bien compte. Comment? Oh, ça doit vous paraître insensé. Ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais remarquez bien. Oui, allez, je sais tout ce que l'on peut dire sur Bob, sur son physique, ses tics, son élocution. Difficile. Sur le côté un peu, comment dirais-je, un peu primitif de son intelligence. Mais en tout cas, il n'est pas méchant. Oh non, non. Non, il a même de jolis sentiments. Un petit peu naïf quelquefois, mais joli. Il a très bon cœur. Et puis enfin, c'est un détail, mais malgré tout, c'est l'héritier de la maison Laroche. C'est un détail qui a son importance. Oui, n'est-ce pas? Il me semble. Vous croyez que c'est une chose à quoi il sera sensible quand je dis elle, enfin, elle et ses parents? Il me paraît difficile qu'il ne le soit pas. Oh! Oh ben vous me faites plaisir, vous me donnez du courage. Ça, j'avoue que je n'emmenais pas l'argent venant ici. Je ne peux vous donner qu'une impression, mais... Naturellement, mais enfin, vous ne pensez pas a priori que la chose soit impossible. Mais pourquoi le serait-elle? Marie est charmante, assurément. Mais enfin, à la roche? Oui. Oui, évidemment. Alors, vous croyez que je peux en dire un mot à Marseille? Certes. Vous ne me rendriez pas le service de le tâter, vous, d'abord? Si vous voulez. Mais il vaudrait peut-être mieux que ce soit son frère. Ah bon, il n'est pas là, Jérôme? Non. Marcel non plus, d'ailleurs. Ils sont sortis, sa femme et lui, pour faire une promenade. Oh, dites donc, il semble que j'entends une auto, c'est peut-être eux? Oh, non, non, c'est Jérôme. Probablement, il revient de Lyon. Alors, écoutez, j'ai bien envie de vous laisser en parler à Jérôme. Hein, voir ce qu'il en pense. S'il juge comme vous que la chose est réalisable, bien, peut-être sera-t-il assez gentil pour tâter Marcel quand il rentrera. Moi, je vais aller jusqu'à la rivière et je tâcherai de calmer un peu l'inquiétude du pauvre Bob qui doit être sur des charbons ardents en ce moment. Il savait que vous deviez me parler? Naturellement. Il trépigne depuis le déjeuner à cette idée. Si j'avais écouté, nous serions là depuis 2 heures. Comme c'est touchant, cette impatience. Oh, mais voilà, Jérôme. Pas trop fatigué? Suffisamment. Tiens, bonjour, Mélanie. Comment ça va, Jérôme? Merci. Vous arrivez de Lyon? Oui. Oh là, vous avez dû mourir de chaleur. Bon. Ah, veux-tu prendre quelque chose? Non, merci. Bon, eh bien, alors, je vous laisse. Comment vous partez? Non, non, je ne m'en vais pas. Je vais voir un peu comment se passe le bain, mais je vous reverrai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc vous n'oubliez pas, Charlotte. Non, non, soyez tranquille. Je suis impatiente de savoir ce qu'il en pense. De quoi est-elle impatiente? Je te dirai. Mais d'abord, parle-moi de ton voyage. Où en es-tu avec Grenier? Il faut que nous allions voir ton père après le dîner. Pourquoi? Il faut qu'il m'aide à faire mon échéance du 31. Sinon, c'est fini. Nous sautons. Comment? Grenier m'a plaqué. C'est pas possible. Si. Mais c'est abominable ce qu'il a fait là. Ils sont dans leur droit. Je ne peux pas les obliger à lever leur option. D'ailleurs, même s'ils le voulaient, j'ai l'impression très nette qu'ils ne le pourraient pas. Ils viennent d'avoir un coup dur, eux aussi. Mais je croyais qu'en tout cas, tu avais jusqu'à fin septembre. C'est eux qui avaient jusqu'à fin septembre pour se décider. pas attendu jusque-là. Ils m'ont prévenu hier qu'ils renonçaient à l'affaire. C'est parfaitement correct. Le résultat, c'est qu'il me manque 12 millions pour faire mon échéance. Mais les banques... Les banques ne marchaient que sur l'aval de Grenier. Il n'y a plus que ton père qui puisse nous tirer de là. Mais jamais papa ne trouvera à t'avancer 12 millions d'ici la fin du mois. Alors, je déposerai mon bilan. Jérôme, tu ne parles pas sérieusement. Ah, tu crois? Mais c'est épouvantable. Qu'est-ce que nous allons devenir? Eh bien, mais on vendra les usines, les maisons, celles-ci, l'autre, on vendra tout. Et ça ne suffira pas à éteindre le passif. Enfin, Jérôme, tu es fou? Tu parles de ça avec un calme? Comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. J'aimerais mieux que je me roule par terre en poussant des cris de désespoir. À quoi ça avancerait-il? J'ai lutté tant que j'ai pu. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la décision de ton père. Oh, je ne croyais pas que nous en étions là. Et nous ne sommes pas les seuls, si ça peut te consoler. La danse ne fait que commencer. À quelle heure veux-tu que nous allions voir papa? Et commander la voiture pour 9 heures. J'ai bien peur de sa réponse. Maman m'a dit qu'il a beaucoup perdu à la bourse. Ah, ben si ton père spécule maintenant... Il fait comme tout le monde. Oui, enfin, tout ce que nous dirons ici sera inutile. Je le mettrai au courant de la situation, il jugera lui-même s'il veut ou non m'empêcher de couler. Encore faut-il qu'il le puisse. Oui, bon. Ah, parlons d'autre chose, veux-tu? Voilà, 2 jours que je suis dans cette mélasse, je voudrais m'aérer un peu le cerveau, moi. Si c'est possible. Oh. Oui, Marcel. Il est allé faire une promenade avec sa femme. Ah. Ils vont pas tarder à rentrer. Ils vont avoir la bonne idée de réintégrer Bois-Colombes, ceux-là. J'ai plus besoin de lui, moi, maintenant. On va parler de leur départ? Pas question. Ah, décidément, ils se trouvent bien, ici. Mais tu les as invités pour tout l'été, ils en profitent. Fichue idée que j'ai eu là. Hein. C'est assez, mon avis. Enfin, il y a au moins quelqu'un qui ne le regrette pas. C'est ta mère. Ce n'est plus de l'amour qu'elle a pour cette petite, c'est de la passion. Ah, au fait, figure-toi que Bob Laroche en est tombé éperdument amoureux. Oui, il ne mange plus, il ne dort plus, et on est malade. Bon, pas bah, c'est à ça que Mélanie faisait allusion. Tout à l'heure, elle m'a demandé de t'en parler. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il voudrait l'épouser. Non. Sérieusement? Il ne pense plus qu'à ça. Et Mélanie? Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle voudrait que tu tâtes Marcel. Mais alors, elle est d'accord? Mais oui! Et tu ne me dis pas ça! Comment? Mais c'est la première chose dont tu aurais dû me parler, voyons! Mais tu ne comprends pas ce que signifie ce mariage dans la situation où nous sommes? Mais je suis sauvé! J'ai plus besoin des Lyonnais, j'ai plus besoin de ton père, j'ai plus besoin de personne! L'alliance des Laroches, ça vaut tous les avals, toutes les signatures du monde! Oh nom de Dieu! Ah ben, tu en as de bonnes, toi, de m'annoncer ça comme si c'était une nouvelle sans importance. Je ne pensais pas que... Mais tu avais tort de ne pas penser. Mais maintenant que tu me le dis, en effet, je me rends compte. Ben voyons. Mais c'est inespéré. Mais ça change tout. Je vais les foutre tous les deux du conseil, Marcel et son futur gendre. Demain, en arrivant au bureau, je laisse discrètement filtrer la nouvelle et tu verras si dans 2 jours, les banques prennent notre papier. Elles viendraient plutôt le chercher à domicile. Ah, bah, j'aime mieux ça. Ah, la lumière a une autre couleur, tout d'un coup. Mais tu ne crains pas que la petite. Ouais, la petite. Je ne sais pas, mais avec l'éducation bohème qu'elle a reçue, elle est capable de trouver que Bob. Quoi? Il est très gentil, Bob. Oui, c'est très gentil. Mais enfin, tu sais bien ce que c'est qu'une jeune fille. Et surtout une jeune fille comme elle, qui a été élevée en dehors de tous les principes. Avec une mère comme la sienne, et j'ajouterai un père comme le sien, il faut toujours se méfier du romanesque. Mais t'inquiète pas de ça, il y a des arguments auxquels la jeune fille la plus romanesque ne résiste pas longtemps. Allez, va me chercher Mélanie. Et puis dis à Cyprien de m'apporter du porto, j'ai besoin de me remonter. Non. Il n'y a pas le temps d'aller lentement. Il faut que dès demain la nouvelle puisse se répandre. Servez à monsieur du porto. Alors, je vais chercher Mélanie. Oui. Quelle heure est-il? 25 heures. Dis-lui qu'elle se dépêche. Pourquoi? Allez, fais ce que je te dis! Merci. Monsieur ne veut pas de gâteau? Non, ça va. Monsieur a fait bon voyage? Très bon, Cyprien, très bon. Ah, Cyprien? Monsieur? Vous servirez du champagne à dîner. Bien, monsieur. Mmh. Croyez-vous, hein, quelle aventure! Vous avez vraiment l'impression que mon pauvre Bob... Vous avez votre voiture? Oui. Combien de temps vous faut-il pour aller en ville? D'ici, je ne sais pas, un quart d'heure, pourquoi? Sarlin n'est pas encore fermé à cette heure-ci. Sarlin? Quoi, c'est pas votre bijoutier? Si. Hein? Oh, je comprends! Hein? Mais vous croyez que je peux déjà... Mesdames! Là-bas? Et parbleu! Ah oui, mais c'est que j'aurais préféré la faire venir de chez Cartier, ici, vous savez. Bah, c'est comme ça que vous faites marcher les affaires de la région, vous. Bah, c'est pas étonnant si tout va si mal. Oui, oh, bah, je ne demande pas mieux de la prendre chez Sarlin s'il se trouve quelque chose de convenable. Ils ont très belle pierre, vous savez, ah, chez Sarlin. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un brillant, non? Oh, non, non, mais je vous demande un conseil. Oh, moi, je ne vois guère que le brillant. Ils en ont très beau. Ah, mais je veux que ce soit parfait. Et vous avez raison. J'aime mieux que la pierre soit petite, mais sans défaut. Oui, la prenez pas trop petite. Soyez tranquille. Oh, je suis pas inquiet. Oh, je voudrais trouver la taille émeraude, c'est tellement plus joli. C'est vrai. Oh, imaginez que ça ne se fasse pas. Eh ben, vous rendrez la bague, vous l'êtes. Oui, évidemment. Mais quand je m'occupe d'une affaire, moi, en général, elle se fait. Oui. Quand je dis une affaire, enfin, c'est... C'est une affaire de cœur. Ben, voilà, voilà, voilà, voilà. Oh, je suis bien contente, vous savez. Ah, mais vous savez, je ne veux pas d'un garçon qui ne fait rien, moi, il faut qu'il travaille. Pauvre Bob, comment voulez-vous? Eh ben, il travaillera, ça, je vous le garantis. Et pour commencer, je vais le prendre avec moi, à mes gens, dans mon conseil d'administration. Oh, Jérôme, c'est trop gentil, mais... Mais quoi? Je me demande si vous ne vous faites pas des illusions sur ce dont il est capable. Laissez-moi faire. Je le prendrai avec moi, je lui apprendrai ce que c'est qu'une affaire, et dans 2 ans, c'est lui qui dirigera la sienne. Le père Tiercelin pourra se reposer. Ah, oh, ce serait trop beau. Hein? Bon, alors, je pars... Mais je pense bien que vous partez, puis dépêchez-vous, vous n'avez que le temps. Ah, vous vous dînez ici, naturellement. Vous êtes gentil, mais... Oui, quoi, vous pouvez pas faire autrement. C'est que je ne peux pas abandonner Braque. Bah, lui aussi, quoi, ça va de soi. Bien sûr. Ah, mais revenez d'abord, hein, avec la chose en question, là, puis vous irez le chercher. Hmm? Eh bien, soit, j'accepte, vous savez, hein, je vous remercie, là, tous les deux, du fond du cœur. Je sais pas ce que je serais devenu sans vous. Et voulez-vous bien vous tirer? Allez, à tout de suite, à tout de suite. Ah, si ce n'était jamais plus difficile que ça de gagner sa vie. La bague, ça fait partie des arguments dont tu parlais. Et parbleu, et si celui-là ne suffit pas, il y en aura l'autre. Seulement, il faut avoir tous la main au bon moment. C'est pour ça que je lui ai dit de se dépêcher. Ah, je crois que les voilà. Qui? Marcel et Suzy. Ah. Ils reviennent par la prairie. Deuxième paragraphe. Dis donc, tu ferais bien de descendre un peu à la rivière et de t'arranger pour que le bain se prolonge. Il faut que je puisse parler tranquillement aux parents d'Iphigénie. Je vais faire servir le thé sous la tonnelle. C'est ça. Bon courage. Merci. Tu n'es pas trop fatigué? Je serai fatigué après! C'est pas le moment! Ah. À votre santé! Alors, tu vas l'emmener? Ben voilà, revenu. Un peu de porto, Suzy? Ah non, merci. Et toi? Oui, bonne idée. Oh non, Marcel, c'est mauvais pour ton foie. Hmm? Oh, bah, un doigt. Non. J'ai... Ah bon, bah, alors pas de porto. Alors, tu es content de ton voyage? Je t'expliquerai. Ah, je t'annonce que tu es administrateur. Ouh. Ah, je te remercie. Je plaisante. Ils n'ont pas fait trop de difficultés? Qui? Les gens de Lyon. Ah, ils n'auraient plus manqué que ça. Bon, et à part ça, tu as obtenu ce que tu voulais? Non, mais ça ne fait rien, je... Hein? Je te raconterai. Pour l'instant, j'ai à vous parler à tous les deux de quelque chose de beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, et quoi donc? Elle en fait belle, votre fille. Anne-Marie? Anne-Marie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne savez rien? Mais ah. Non. Vous ne savez pas qu'elle a complètement fait tourner la tête au pauvre Bob? À Bob Laroche? À Bob Laroche, parfaitement. Alors là? Comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mais qui vous a parlé de ça? Sa mère! Qui est venu se plaindre à Charlotte. Non. Il paraît qu'il ne mange plus, qu'il ne dort plus, qu'il ne pense plus qu'à elle. Oh, je suis désolée. En tout cas, c'est sûrement pas la faute d'Anne-Marie. Elle est incapable de s'amuser à une chose pareille. Oh, oh, oh. Non, non, non, non, non, mais je te le garantis, ça. C'est une fine mouche, Anne-Marie, avec son air de pas y toucher. Oui, mais ça, elle n'est pas coquette, n'est-ce pas, Suzy? Et puis, ils n'ont jamais été seuls. Mais d'abord, qu'est-ce que vous en savez? Puis d'ailleurs, ça n'empêche rien. Anne-Marie est assez jolie pour lui avoir tapé dans l'œil à distance. Ah oui, oui, ça, j'en suis sûr. Mais reconnais avec moi alors que c'est pas de sa faute. Oh, je reconnais tout ce que tu voudras. Ah bon, parce que... Ça n'empêche pas qu'il en est fou. Ah ben ça, tant pis pour lui. Parce que qu'est-ce qu'elle y peut faire? Elle peut l'épouser, pardi. Bah, tu plaisantes. Voyons, Jérôme. Quoi? Comment, Anne-Marie épouser ce pauvre diable? Pauvre diable? Mais des pauvres diables comme lui, il n'y en a pas à remuer à la pelle. Non. Je sais pas ce que je veux dire, je sais bien qu'il a de l'argent. Ah oui, ça il en a. Oui, mais il est à moitié idiot. Bob. Bah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as déjà causé avec lui? Oui, oui. C'est pas commode. Comme dit Jean-Pierre, faut pas avoir de train à prendre. Et parce qu'il est timide, tout simplement. Oh. Une fois mis en confiance, il n'est pas plus bête qu'un autre. Mais enfin, tous ces tics, Jérôme, ces grimaces, ces soubresauts, c'est inquiétant. Ah, voulez-vous que je vous dise d'où ça vient? C'est un garçon qui a besoin d'une femme, voilà. Oh non, de toi. Oh non, à la pensée que Anne-Marie... Oh non, tiens, j'en suis malade, tiens. Mais, à t'écouter, on dirait que c'est un monstre. Bah, presque. Non. Enfin, Suzy, voyons, vous qui êtes une femme de bon sens, est-ce que c'est un monstre? Oh non, ah. Je peux pas dire ça. Mais enfin, tout de même... Oh, c'est pas non plus un Adonis, évidemment. C'est un garçon moyen. Très moyen. Comme il y en a beaucoup. Comment il a eu contre lui de naître avec une grosse fortune et de ne pas avoir à fournir la preuve qu'il était capable de gagner sa vie. Alors on dit, c'est un idiot. Eh bien, c'est pas vrai. En tout cas, c'est très exagéré. Tu vois pas un petit être sain, frais et pur comme Anne-Marie livré à cette espèce de dégénéré? Dégénéré, allez, tout de suite les grands mots. Oui, dégénéré. Et il s'est forcé. Ils se marient toujours entre eux dans ces familles. Jamais de sang nouveau. Ben voilà le résultat. Eh ben justement, pour une fois, ce sera du sang nouveau. Oui, eh ben, ce sera pas celui d'Anne-Marie, parce que moi, je ne veux pas. Tu pourrais peut-être demander l'avis de sa mère avant de décider. Oh ben, écoute, Suzy, tu penses comme moi. Songez aux enfants, Jérôme, comme ce serait grave. Non, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ils auront de très beaux enfants. Mais Mélanie a été ravissante, vous savez. Quant à son mari... Il n'avait rien inventé. Mais il était parfaitement normal. Et puis enfin quoi, c'est pas parce que Bob a été un peu retardé dans son développement qu'il faut désespérer de la race. À cet égard-là, nous ne pouvons pas nous montrer tellement difficile. Si la Tavisse faisait la roche t'inquiète, qu'est-ce qu'il dirait d'une autre? Comment ça? C'est vrai, ça. Et Lucie, hein? C'est une question, si tu veux m'en croire, qu'il vaudrait mieux ne pas soulever. Oui, bah elle n'aura pas à être soulevée, cette question, parce que nous ne voulons pas de ce mariage. Il y a la principale intéressée à consulter. Oui, oh, bah alors ça, je suis tranquille, je connais Anne-Marie. Enfin, on peut tout de même lui demander ce qu'elle en pense, non? Mais vous croyez qu'il a vraiment l'intention de demander ça? S'il en a l'intention. Mais sa mère est venue ici pour ça. Elle est allée faire une course en ville, mais elle va revenir. Et entre-temps, elle m'a chargé de vous pressentir. C'est une demande, tout ce qu'il y a de plus officiel. Ah, ça, c'est formidable, alors. En quoi? Tu vas tout de même pas te formaliser parce qu'on te demande la main de ta fille, non? Ça n'a rien d'humiliant. Non, enfin... Oh, mais tu es inouïe, ma parole. On t'offre pour genre d'héritier non seulement d'une des plus grosses fortunes, mais d'une des plus vieilles familles du pays. Des gens qui, depuis je ne sais pas combien de générations, sont considérés comme ce qu'il y a de mieux ici, qui font la pluie et le beau temps dans la société, sur lesquels il n'y a jamais eu ça à dire, qui ont en ville la plus belle maison, ici une propriété, comme il n'y en a pas 10 en France. À Paris, un hôtel somptueux, une villa à Cannes, un yacht, etc., etc. Grâce à qui ta fille deviendra une espèce de petite reine. Gâté, choyé, reçu partout, dans les maisons les plus fermées de la région, comme dans les salons les plus élégants de Paris, vivant dans un luxe princier, au milieu de collections uniques. Ce que vous avez vu à Beaudiran n'est rien auprès de ce qu'ils ont en ville et à Paris. Et non seulement ils refusent, mais encore ils se trouvent offensés. Eh ben, tu vas un peu fort, mon ami. Jérôme a raison, Marcel, bon. C'est plutôt flatteur qu'autre chose. Ah, ça, je te prie de croire. Et vous ne savez pas ce que c'est que les Laroche. Mélanie est très gentille. Puis si elle fait pas d'embarras, elle est un peu chez elle, nous connaissons depuis notre enfance. Mais il faut voir le mal que les gens se donnent pour être reçus chez elle. Ou pour la voir chez eux. D'abord, c'est une femme intelligente, hein. Et... spirituelle. Sachant admirablement recevoir. Et puis enfin, et surtout, c'est une lâche. Ces gens-là auraient été anoblis 10 fois s'ils avaient voulu. Ils ont toujours refusé. Ils ont tenu à rester ce qu'ils étaient. Des grands bourgeois. Des bourgeois, mais... des seigneurs. Mais la question n'est pas là. Oh, que je te demande bien pardon, ça rentre bien notre grand ligne de compte. Quoi, c'est pas votre avis, Suzy? Ah, si, Marcel, ça, son importance, on ne peut pas dire le contraire. Ah, voyons. Mais c'est pas ce qui empêchera ce garçon d'être un dégénéré, voyons. Croyez-vous qu'il est assommant avec son dégénéré? Il a trouvé ce mot-là, alors il va s'en gargariser comme ça jusqu'à demain. Alors quoi? J'aimerais mieux qu'elle épouse un employé de bureau à 20 000 francs par mois. Qu'elle s'esclave la santé à faire elle-même son ménage et qu'elle mette au monde des enfants chlorotiques. C'est ça que tu souhaites. Je souhaite qu'elle ait un mari qu'elle puisse aimer. Aimer. Est-ce que ça dure l'amour? Bah, quelquefois. Oh, allons donc. Les mariages d'amour sont toujours ceux qui finissent le plus mal. Pas toujours. Hein, dit Suzy. Il y a tout de même du vrai dans ce que dit Jérôme. Bah, oui. Oh, enfin, elle a 18 ans, on a le temps d'y penser. Ah, tu crois ça, quoi, hein? Eh ben, tu feras bien au contraire de lui trouver rapidement son petit employé de bureau à 20 000 francs. Si tu veux qu'elle ait encore de quoi manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu risques fort, à moins d'avoir de l'argent de côté, de ne plus pouvoir la nourrir d'ici peu, ta fille. Comment ça, Jérôme? Et nous sommes à la veille de sauter. De sauter? Oui, les Lyonnais nous lâchent. Sans leur garantie, les banques refusent notre papier. Et il me manque 12 millions pour faire mon échéance du 31. Voilà. Mais comment est-ce possible? Quand vous êtes venu nous voir à Paris il y a un mois? Il y a un mois, les Lyonnais voulaient racheter toute l'affaire. Ils trouvaient que la moitié, c'était pas assez. Maintenant, ils trouvent que c'est trop. Beaucoup trop. La crise a fini par les avoir, eux aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas 12 millions à me prêter d'ici 8 jours? Non. Alors, il n'y a qu'à fermer boutique et à déposer notre bilan. Vous voulez dire la faillite? La faillite, oui. Après 100 et quelques années de prospérité et d'intégrité, la maison Antonin Fort va faire faillite. Oh! Tu vois peut-être les choses un peu en noir? Tu crois ça, toi, hein? Regarde ce petit papier et la situation en chiffres. Regarde! Tu te rends compte? Tu sais, moi, les chiffres, moi... Oui, ça ne te dit rien. Alors fais-moi l'honneur de me croire. En admettant que les usines et les immeubles se vendent pour les prix portés ici, et c'est un maximum, il nous restera un passif d'une centaine de millions. Un passif? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous devrons encore plus de 100 millions à nos créanciers, parfaitement. Mais c'est épouvantable. D'ailleurs, j'aurais préféré ne pas vous le dire, mais devant l'obstination de Marcel à ne pas vouloir de ce mariage... Je suis bien obligé de vous mettre au courant. Mais quel rapport entre ce mariage et cette autre affaire? Non, tu sais pas ce que c'est que le crédit. Le crédit? Oui. Bon, si, naturellement, je sais ce que c'est. Eh bien, je ne plus en avoir, ou de ne pas en avoir assez que nous crevons. Si Anne-Marie épouse Bob Laroche, 24 heures après que la nouvelle est officielle, nous redevenons bons pour n'importe quelle somme, 100 millions, 150 millions, ce que je veux, comprends-tu? Mais si elle ne l'épouse pas, c'est fini. Les banques nous serrent la vis, mon vieux, nous sommes nettoyés. Ouf. Il y a bien un autre moyen de se procurer de l'argent. Non, il n'y en a pas. Tout ce qu'on pouvait faire, je l'ai fait. C'est notre dernière chance. Une chance inespérée, miraculeuse. Quand Charlotte m'a appris tout à l'heure la démarche de Mélanie, j'ai eu vraiment l'impression que c'était le ciel qui l'a envoyé pour nous sauver. Nous ne pouvons pas sacrifier pour ça le bonheur de cet enfant. C'est criminel, ça, là. Allez, toujours des grands mots. Mais il n'est pas du tout certain qu'elle ne soit pas heureuse avec ce garçon qu'il adore, qui sera au petit soin pour elle et dont elle fera tout ce qu'elle voudra. Voyons. Ça n'est pas du tout certain! Tandis que si elle ne l'épouse pas, c'est pour nous tous la ruine et la misère. Alors ça, c'est certain. Que moi, je sois ruiné, tu me diras que ça t'est égal, que tu auras raison. Mais toi, hein, que feras-tu? Bah, je travaillerai, moi. Mmh. Tu feras des tables? Ça ou autre chose. Oh, ne dis pas de bêtises, Marcel. Ouais. Tu te vois, prenant un métier à l'âge où tu es. Et puis, c'est pas tout d'avoir un métier, il faut encore trouver une place. Et ça ne court pas les rues à l'heure actuelle. Quand on peut attendre, ça va encore, mais je ne suppose pas que vous ayez de grosses réserves. Mais non, pas précisément. Mmh. Je ne te parle pas de ce qu'il y a de déshonorant à faire faillite quand on s'appelle Antonin Fort, et du scandale que ça va provoquer. Au point où nous en sommes, ces choses-là sont secondaires. Mais il y a maman. Tu as pensé à maman. Tu sais que tout ce qu'elle a est dans...